Hey, I wanna see, I wanna be, I never wanna live here now. Oh, yeah, yeah. Yeah, man. Yeah, yeah. Thank you.

ты всех утрешь из котла. А ты сатор от труа. Прыжи. Avec un slip, j'ai mis des bretelles. Mais je le savais. J'ai mis des bretelles pour tenir mon slip. Parce que à la campagne, tu vois, il y a une petite économie. Les trous dans les chaussettes, tu vois, c'est pour faire sortir les oreilles. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Oh, Bebop, I found you.